BDM, il dit, les pensées, elles viennent d'ailleurs. Si l'homme qui est fusionné, il est créateur, est-ce qu'il peut programmer ses propres pensées? Non. Mais vous pouvez programmer vos corps pour qu'il y ait un filtrage des pensées. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'avoir des pensées parasites que vous ne voulez pas, là. Tout simplement parce que ce sera devenu impossible. C'est comme quelqu'un pendant toute son enfance qu'on a traité d'incapable ou d'imbécile. Jusqu'à un certain point, il va y avoir une intégration. Dans le sens, la personne, plus tard, si elle n'intègre pas la mécanique du fait que son identité psychologique n'est pas réelle, elle va être portée à se traiter d'incapable et d'imbécile. Quelqu'un qui intègre la mécanique de ces choses-là vient créer une métaconscience, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il va avoir un point objectif d'observation de sa propre mécanique, de l'intégration de sa conscience. Donc, quelqu'un qui a intégré cette mécanique-là va venir créer, si vous voulez, un espace intermédiaire qu'on pourrait appeler un surmental qui va être assez objectif pour être conscient. La conscience va être consciente d'elle-même et de sa mécanique. Donc, quelqu'un qui a développé ça ne peut plus avoir des pensées parasites comme ça qui viennent de l'expérimental subjectif puis qui est nourri par des blocages liés à de l'émotivité puis à des conflits puis à des traumas dans l'enfance. Parce que quand vous traitez un enfant d'incapable ou d'imbécile, c'est vous l'incapable et l'imbécile parce que vous êtes dans le renforcement positif-négatif qui est une animalisation de certains processus. C'est une psychologisation de certains processus animaliens au niveau de la transmission karmique, justement, dans les familles. Il y a un problème. C'est pour ça que souvent, il va y avoir des enfants de batteurs de femmes, ils vont devenir batteurs de femmes parce qu'ils n'ont pas intégré ça. La mécanique de ça, c'est inconscient. Donc, oui. Donc, c'était quoi l'affaire? PTM dit les pensées viennent d'ailleurs. Oui, dans le sens que c'est toujours s'identifier à ses pensées comme quelqu'un qui se dit « Ah, oh, je suis donc imbécile », ça, c'est subjectif toujours. La pensée ne vient pas de lui, mais il s'identifie à la pensée à travers sa fausse identité psychologique. C'est toujours faux le psychologique quelque part parce que c'est de la mécanique subjective. C'est réflexif, donc c'est pas objectif. En tout cas. Donc, si l'homme est fusionné, le créateur, est-ce qu'il peut programmer? Donc, non, mais lui, il va être son propre programmateur. Donc, il va être capable de programmer le filtre. Il va avoir les pensées qui sont ajustées à cet état-là. En tout cas.